Chapitre 7. Jésus est-il vraiment ressuscité des morts? Aussi importante que soit la mort de Jésus, il est important de réaliser que la foi chrétienne n'a pas commencé ce premier vendredi saint. Tous ceux qui aimaient Jésus ont été plongés dans le désespoir par les événements de cette journée sombre. Ils avaient placé leurs espoirs en lui comme leur Messie promis. Et maintenant, il avait été cruellement tué. Même la foi de Pierre s'était effondrée. Leader naturel de ses disciples, il avait, quelques semaines plus tôt, confessé que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16:16. Mais honteux et effrayé, il avait nié à trois reprises connaître Jésus. Matthieu 26:62 à 66. Comment se fait-il alors que, quelques semaines plus tard, Pierre, autrefois lâche, se soit levé parmi la foule de Jérusalem qui célébrait la Pentecôte et ait déclaré « Dieu a fait de ce Jésus que vous avez crucifié à la fois Seigneur et Christ. » Acte 2, 36. La réponse tient en un seul mot, résurrection. Le désespoir des premiers chrétiens a été balayé par la conviction inébranlable que Jésus était ressuscité des morts. C'est à ce moment-là que la foi chrétienne a véritablement commencé, non pas le vendredi saint, mais le dimanche de Pâques. J'imagine que pour des jeunes d'aujourd'hui comme vous deux, Maddy et Izzy, il doit sembler assez surréaliste de fonder autant de choses sur un miracle qui aurait eu lieu il y a 2 millénaires. Mais comment pourrait-on autrement accréditer l'affirmation extraordinaire selon laquelle Dieu s'est fait homme? Si le christianisme est vrai, alors Jésus était un miracle personnifié dès le moment de sa conception dans le ventre de Marie. Il n'est donc pas surprenant que la mort n'ait pu le retenir. Bien sûr, si vous partez du principe que les miracles ne peuvent pas se produire, vous ne pourrez jamais accepter ce dogme fondamental de la foi chrétienne. Mais alors, comment Dieu pourrait-il se révéler à un esprit aussi sceptique? La personne qui dit « les miracles n'existent pas » dit en fait « Dieu, tu n'existes pas, et je n'ai pas l'intention de te donner la moindre chance de prouver que tu existes ». Beaucoup de ceux qui ont commencé à examiner le témoignage du Nouveau Testament sur la résurrection avec une telle attitude sceptique ont été contraints de changer d'avis par la force des preuves. Alors, essayez vous-même de garder l'esprit ouvert. Je suis sûr que vous vous souvenez toutes de cette histoire que vous avez apprise au catéchisme. C'est un groupe de femmes, dont la mère de Jésus, qui a fait cette découverte étonnante. La première réaction des disciples a été de rejeter leur récit comme étant des élucubrations hystériques, mais ensuite ils ont rencontré Jésus en personne, et même cela ne les a pas convaincus au début. Ils pensaient que c'était son fantôme et ont dû être réprimandés par lui pour leur lenteur d'esprit. Un disciple est resté sceptique plus longtemps que les autres, car il était absent la première fois que Jésus leur est apparu. Il s'appelait Thomas. Je pense avoir beaucoup en commun avec Thomas, car il se posait beaucoup de grandes questions, tout comme moi, surtout lorsque ses amis lui ont dit qu'ils avaient vu leur maître ressuscité d'entre les morts. Vous pouvez trouver son histoire dans l'évangile de Jean. Thomas, aussi appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec les disciples lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit où étaient les clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Bien que les portes fussent fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Mets ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse de douter et crois ». Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit alors « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Jean 20, 24 à 29. Thomas faisait clairement partie de ces personnes qui ont du mal à trouver la foi. Il avait des doutes et, pour lui rendre justice, il était d'une honnêteté brutale à ce sujet. Contrairement à beaucoup qui auraient fait semblant de croire pour ne pas se sentir différent, Thomas a dit très franchement à ses amis que pour lui, voir c'était croire. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui des gens tenter de justifier leur manque de foi de la même manière. Si Dieu veut que je croie en lui, disent-ils, qu'il accomplisse un miracle que je puisse voir de mes propres yeux, alors je croirai. C'est bien sûr une erreur. La foi n'est pas quelque chose que l'on peut activer à volonté, comme un robinet. lorsque les conditions que l'on s'est imposées sont remplies. Elle est spontanée. Un peu comme le fait de tomber amoureux. Imaginez que vous disiez à quelqu'un, « À moins que tu ne fasses ceci ou cela, je ne tomberai pas amoureux de toi. » C'est absurde. L'amour et la foi sont tous deux des dons qui viennent naturellement, que l'on ressent en soi, mais que l'on ne peut jamais fabriquer soi-même. Jean, le disciple qui nous raconte l'histoire de Thomas, souligne ce point plus tôt dans son évangile. Même après que Jésus eut accompli tant de signes en leur présence, ils ne croyaient toujours pas en lui. Jean 12, 37. C'est peut-être pour cette raison que Jésus n'a accompli ses miracles que pour ceux qui avaient déjà confessé leur foi en lui. Il savait que les miracles n'avaient pas le pouvoir de susciter une foi véritable chez quiconque. Souvenez-vous-en, Maddy et Izzy, lorsque vous repenserez au récit que je vous ai fait, plus tôt de cette expérience qui a changé ma vie, dans une église déserte, le soir du Nouvel An 1987. La foi qui a jailli dans mon cœur cette nuit-là n'était pas le résultat d'un effort de ma part, bien au contraire. Comme je l'ai déjà expliqué, j'avais toutes sortes de doutes. Pourtant, malgré ces nombreuses questions sceptiques, je suis devenu croyant. Était-ce une décision que j'avais prise parce que Dieu avait satisfait à mes conditions? Absolument pas. En réalité, je n'avais pas du tout l'impression d'avoir fait un choix. C'était plutôt un abandon. Comme Thomas, je me suis soumis à Dieu. Je trouve encourageant que Jésus ne reproche pas à Thomas ses doutes et ne le punisse en aucune façon pour cela. Il n'est pas offensé par les grandes questions que nous érigeons comme défense intellectuelle contre la foi. Au contraire, il apprécie notre honnêteté absolue. Un faux témoignage inventé pour ne pas nous sentir exclus de la communauté des croyants ne l'impressionne pas du tout. Il veut que nous comprenions que la foi n'est pas une bonne œuvre que nous offrons à Dieu dans une attitude d'autosatisfaction, mais un don que Dieu accomplit dans notre abandon à lui-même. Mon Seigneur et mon Dieu. Je pense que c'est ce que Jésus voulait dire dans sa réponse plutôt étrange à la confession de Thomas. C'est une question, pas une affirmation. Donc, je mettrai un point d'interrogation à la fin. Parce que tu m'as vu, tu as cru? En d'autres termes, est-ce vraiment parce que j'ai satisfait à ta condition voir pour croire que tu as maintenant foi en moi, Thomas? Bien sûr que non. En examinant son cœur, Thomas savait que la foi qui surgissait spontanément en lui n'était pas son œuvre, mais celle de Dieu. Et il en va de même pour tout vrai croyant. La foi est une bénédiction, comme Jésus le dit ensuite. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors oui, je suis reconnaissante pour la bénédiction qui m'a été donnée, celle de croire que Jésus est vraiment ressuscité des morts. Et ma prière la plus chère, mes belles filles, est que vous et tous ceux qui liront ce petit livre puissiez vous aussi connaître cette bénédiction, tout comme Thomas et moi-même.